Exercice 1, page 139. A. Toi, doigt. B. Tous, douce. C. Tort, dort. D. Tout, tout. E. Dit, dit. F. Touche, douche.